Plus fort. Plus fort, j'entends rien. I just want to hear you. Son agenda. Agenda. Plus fort, tu j'entends rien sur tout terrain. Actu. Agenda. Actu. Tu es terrain. Coup de cœur de la semaine. Actu. Tout terrain. Cœur de la semaine. Cœur de la semaine. Tout terrain. Cœur de la semaine. Coup de cœur de la semaine. Rencontre. Rencontre. I just want to hear you. Plus fort. Plus fort. Plus fort. J'entends rien. Plus fort. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, et puis bah, les rediff à 19h et le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui on va faire un programme en deux volets, deux faces, pile, face. On va parler un petit peu d'un retour sur les pépites du cru de 2022, les disques de Steph ou ligérienne, mais aussi venus de Lyon, de Clermont, qui je trouve sont l'occasion de revenir sur les groupes indés importants dans la région. Et puis on aura aussi au téléphone une personne pour représenter la Brigade des Fauchés. La Brigade des Fauchés qui s'active du côté de la métropole lyonnaise, de l'autre côté du Rhône, notamment par rapport à la réforme de l'assurance chômage et à une expérimentation du RSA qui va se tramer de l'autre côté du Val de Rhône. On parlera de tout ça, on commence en musique avec un groupe que j'avais reçu en live pour la sortie de cet album. Un album qui est le fruit d'un partenariat entre deux labels, le label Durédou à Lyon, on diffuse beaucoup par ici, et le label Another Record du côté de Tours, qu'on diffuse aussi beaucoup par là. Les deux labels ont pris le meilleur d'eux-mêmes pour sortir ce disque du duo Best of Bedlam. Il s'intitule Dance Until the Crimes End et est un très beau disque de pop et de chansons psychédéliques en anglais qui raconte l'histoire de 11 femmes sur les 11 titres. On écoute le 8e. Il s'intitule Red Seaweeds. Best of Bedlam. Plus fort, j'entends rien. C'est parti. In my courtyard, a fountain leaps, sinks back into itself. Ooh. On the laundry line, my body. Thank you. C'était Fat Dat à l'instant sur le 895 de Dio et une certaine école qui s'est enchaînée d'ailleurs avec Best of Bedlam, une certaine école de la pop un peu barrée, un peu psychée, un peu naïve comme ça, une école un peu lyonnaise qui gravite notamment autour de Grande Zéro et de sa fourmilière musicale. Fat Dat ne vient pas uniquement de Lyon, puisqu'à la batterie officie d'Amiens, que l'on retrouve dans Guess What, Catapult Records, et qui officiait dans Le Bandit Road sur le 895 de Dio. Ce groupe donc qui sillonne pas mal la France et a bien fonctionné, notamment du côté de l'Ouest, aux dernières transmusicales. Les radios par là-bas m'ont fait de très bons retours de leurs concerts. Un groupe donc à suivre si vous aimez cette psyché pop, n'est-ce pas? On va maintenant parler un petit peu de Steph, Annie, Steph Hanois, avec Jean-Pierre Marsal qui depuis deux LP maintenant officie son propre nom et non plus sous 202 Project et autres petits pseudos qu'il a pu utiliser dans sa carrière un peu plus noise rock indus. Et là, et bien maintenant, je dirais qu'il a largement épuré, puisqu'on est sous la forme d'un guitare-voix assez folk, matiné. Ceci dit, d'influence quand même, je trouve très rock, très ouverte aussi sur pas mal d'autres musiques, d'improvisation et puis d'un son analogique de ce disque 8 titres enregistré dans son studio, tout analogique, tout autant du côté de Bellevue. Ce LPEP 8 titres s'intitule Distance et je vous propose de revenir sur le deuxième titre de ce disque. Il s'intitule « Cours entre les balles », Jean-Pierre Marsal, tout de suite sur Dio. Tant plus fort, j'entends rien. Contre le vent, je mets la tête en avant, je sens mon corps se grisant et j'entends siffler Satan. J'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles. Comme j'ai peu de temps, je m'en vais vite en chantant sous ces bruits assourdissants et ton visage dévissant. Je cours entre les balles, je cours entre les balles, je cours entre les balles, je cours entre les balles. Oh mais c'est délirant, comme je souris en courant, je me bats contre le temps, je me bats contre le vent. J'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles. Oh non, c'est pas facile. Je me sens puissant, je vole en bondissant, en même au corps de tyran. Je cours entre les balles, je cours entre les balles, je cours entre les balles, je cours entre les balles. J'ai vu des agonisants, enjambés quelques gisants. Oh mon Dieu, c'est épuisant, une vie de combattant. J'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles, j'essaie d'éviter les balles. We'll be right back. chatonner à l'instant sur le 8-9-5 de Radio Dio. Et cet album sorti pendant l'été, il me semble-t-il en juillet-août, je crois, qui s'intitule Adio El Passato, sorti chez SK Records, label un label temple un petit peu des musiques nerveuses et indépendantes à Lyon qui, je pense depuis à peu près les années 2000, a sorti beaucoup de disques d'esthétique assez variée, de noise rock et des fricheurs un petit peu. Ça tenait donc une formation, comme vous l'avez vu, entendu, qui intègre un saz et non pas une guitare, une espèce de mandoline turque un petit peu, avec les gammes qui vont avec, mais qui a arrêté un petit peu l'influence anatolienne un petit peu électro-trip-hop qu'il y avait pu avoir dans les débuts de ce projet et qui s'est rangé à notamment la présence d'instruments acoustiques tels une batterie. Nico Poisson, qu'on avait notamment entendu dans Ned auparavant, toujours sur SK Records, s'est adjoint à la présence de François Viraud et continue à utiliser des cordes et à développer un petit peu cette musique qui, je trouve, a enfin atteint un petit peu la maturité et l'équilibre qu'il a un petit peu cherché depuis le début, que j'aimais bien, et je me disais le prochain disque, ça, et voilà, ce prochain disque c'est celui-là, donc n'hésitez pas à courir, écouter ça tonner. On continue, qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Allez, eh bien on va tout autant cultiver l'indépendance, puisque c'est le label AB Records à présent, que j'avais reçu il y a très peu de temps, à l'occasion de la sortie cassette du groupe Habitant. Et là, c'est une des personnes du label qui a sorti cette cassette, lui aussi, c'est Bravo Tunky, et ça s'appelle Flash Détente. C'est très cheap, c'est très électronique, préhistorique, ça sent l'analogique et les synthés pour enfants. C'est assez psychédélique aussi, il y a beaucoup de rimes en hic. C'est un instrumental, et il y a des morceaux assez étirés. Je vous ai choisi celui qui est un petit peu le plus court de cette cassette, que je ne saurais que trop vous conseiller, et qui est en libre téléchargement sur le Bandcamp de AB Records. Le morceau s'intitule Chemnitz, tout de suite. Thank you. Encore à Lyon, avec les Johnny Carr Wash qui ont sorti leur album extrêmement frais de power pop punky un petit peu. Ça s'intitule Teenage Ends, ça porte très bien son nom, les fins adolescentes sont de rigueur sur ce disque qui s'écoute dans la voiture pour partir en vacances ou sous la douche pour qui voudra. On enchaîne avec une cassette sortie cette année qui a aussi annonce un split, si j'ai bien compris. Il s'intitule Le Club des gens spéciaux. Ça fait longtemps que ce groupe de synthé à formation un petit peu aménageable et variable en fonction des époques officie sur les scènes du coin et d'ailleurs. Une très bonne cassette sortie cette année avec des morceaux assez différents, plus punk, plus étirés, plus directs, un peu barrés par moments. Très belle cassette donc, j'espère vous avez eu l'occasion de voir sur scène où on retrouve pas mal de mains qui ont officié dans de très nombreux groupes ici à Saint-Étienne. Je vous propose d'écouter un des titres phares de cet album cassette pour moi, qui est déjà en rotation sur Do, The Road, The Trip, The Death. Et ce sera suivi par Under 45, groupe lyonnais, de boîte à rythme punk anglophone, de très bonne facture. Un EP qui annonce un futur vinyle à sortir, j'étais passé à côté, ce sera quand même l'occasion de revenir sur cette petite erreur. 2022, ça arrive, j'espère que vous me pardonnerez. We are. don't you think I'm confused? I'm waiting for the divergent wasp to complete my current ruse. Use a plate glass screen to protect my chosen target. If there's an air pellet hole, I can crawl through to you. I am the fly in the ointment. I can spread more disease than the fleas which nibble away at your window display. Yes, I am the fly in the ointment. I shake you down to say please as you accept the next dose of disease. I am the fly, I am the fly, I am the fly. Flying up, flying up, ointment. Bienvenue sur Radio Duo dans Plus Fort, j'entends rien. On va mettre sur pause le petit déroulé des pépites locales 2022 pour une petite rencontre par téléphone, comme je vous l'avais annoncé en début d'émission. On est avec un représentant de la brigade des Fauchés. Bonjour à toi. Eh ben bonjour Loïc. Bien le bonjour. Alors, la brigade des Fauchés, ici à Saint-Étienne, c'est pas forcément un collectif dont on a beaucoup entendu parler. Tu peux peut-être commencer par présenter un petit peu l'histoire de votre bande. Eh ben, la brigade des Fauchés, ça a commencé en réalité en 2019, au moment de la première réforme du chômage, qui à l'époque a organisé quelques manifs, quelques rassemblements, des assemblées, etc., en se greffant un peu sur le mouvement des retraites, enfin contre les retraites à l'époque, déjà à l'époque, et qui s'est mis en pause du coup avec la période Covid, et qui a repris récemment, alors avec des personnes en commun, mais aussi des nouvelles têtes, au printemps dernier, avec ce coup-ci un truc un peu différent, parce qu'on a mis en place une permanence d'entraide pour les personnes au chômage, au RSA, à la AH, etc. Enfin, bref, toutes les personnes en galère avec la CAF ou le Pôle emploi. Ça, on a mis ça en place depuis le mois de septembre, et puis... parallèlement à cette permanence, on essaie de se mobiliser sur les différentes réformes en cours, la nouvelle réforme du chômage, l'expérimentation du RSA, etc. Donc finalement, il y a un rendez-vous régulier qui s'est créé donc à Lyon, à la Lutine. Et est-ce que autour de ça, vous avez réussi à travailler un petit peu la difficulté qui est un peu systématique de mobiliser les personnes qui sont dans des situations de précarité et où on sait bien que c'est pas le plus facile justement de s'auto-organiser dans ces situations-là? Ouais, bah du coup oui, il y a cette permanence là qui du coup est le premier et troisième lundi du mois à 18h, effectivement, à la Lutine. Et oui, effectivement, l'idée de base de la brigade, que ce soit en 2019 ou aujourd'hui, ça a toujours été, ça fait toujours partie du constat que les personnes au chômage, au RSA, sont des personnes souvent assez isolées les unes des autres. Et du même coup, quand il y a une réforme qui passe, Contrairement, je sais pas, par exemple, s'il y a une réforme à l'hôpital, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils se fréquentent tous les jours, ils peuvent s'organiser dans des syndicats, etc., ils peuvent faire grève et tout le bazar. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des personnes au chômage ou au RSA qui sont chacune dans leur coin et qui sont, du coup, des cibles souvent assez faibles et assez démunies quand il y a des réformes comme ça. De la même façon, on se retrouve souvent très seul quand on est confronté à une galère. Pôle emploi, voilà, des menaces de sanctions ou des difficultés administratives. Et du coup, l'idée de la brigade, c'est quand même de base de ça, d'essayer de s'organiser, de sortir un peu de cet isolement. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on essaie de communiquer, etc. Et c'est pas évident de se faire connaître et de faire connaître, surtout qu'on est permanence est toute jeune encore, vu qu'elle a à peine quelques mois. Mais bref, oui, c'est effectivement l'idée, c'est il y a quand même vraiment ça, de sortir de l'isolement dans lequel on est quand on est généralement au chômage ou à ça, quoi. Alors, justement, elle a quelques mois et elle se retrouve à se reformer sur des modifications, des tentatives et des réformes qui sont lourdes de conséquences. Le premier communiqué un petit peu dont j'ai eu vent était autour de la réforme de l'assurance chômage qui a été plus ou moins annoncée il y a pas mal de temps, qui a un peu pris une forme concrète en novembre dernier et avec ce mois de février 2023, une nouvelle avancer dans le contenu des réformes. Est-ce que tu peux parler un petit peu justement de ce qui s'est joué à ce niveau-là, donc pour l'allocation chômage pour le moment? Eh ben oui, c'est-à-dire que je parlais donc en 2019 de la première réforme de l'assurance chômage, on est dans la succession de ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, à l'époque en 2019, la réforme avait durci les conditions d'ouverture des droits, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin d'avoir travaillé 4 mois dans l'année précédente pour des droits au chômage, il fallait en avoir bossé 6 désormais. Ensuite, en 2021, on a entré un nouveau mode de calcul qui a entraîné une baisse du montant des indemnités. Ça, on peut même le chiffrer maintenant, parce que il y a eu un rapport de l'UNEDIC là qui est sorti à la fin de l'année, qui commençait à chiffrer les conséquences de ces deux premières réformes et qui sont assez dramatiques. C'est-à-dire qu'on a quand même une baisse moyenne du niveau de l'allocation chômage de 16%, et on a aussi une personne sur cinq qui auparavant avait droit au chômage, qui maintenant n'y a plus droit, ce qui est des conséquences quand même très fortes. Et là, on a le troisième volet, donc qui va rentrer en application au 1er février, après avoir durci les conditions d'entrée, après avoir baissé le montant des indemnisations, maintenant on va raccourcir la durée d'indemnisation, puisqu'à partir du 1er février, si on est en dessous de 9% de chômage, alors je dis 9% de chômage selon leur manière à eux de calculer chômage, parce que ça c'est quand même assez important à souligner, évidemment ils ont choisi la façon de calculer ça qui est la plus défavorable, enfin ou la plus favorable pour eux, quoi, qui fait le chiffre le plus bas possible. Mais bref, dès qu'on sera en dessous de 9% selon le chiffre officiel, la durée d'indemnisation sera réduite de 25%. C'est-à-dire un quart en moins, quoi, ce qui est là encore assez énorme. Avec deux petites autres mesures qui sont dans le package de cette réforme, qui est que désormais, si on abandonne son poste, on sera considéré comme une démission et donc on n'aura plus droit au chômage. Et c'est pas négligeable, parce que l'abandon de poste, pour beaucoup de personnes qui étaient un peu coincées dans un boulot pourri avec un patron horrible, l'abandon de poste était souvent la dernière solution pour réussir à s'en sortir et puis quand même avoir droit au chômage derrière, mais ça ne sera plus possible. Puis il y a aussi une autre mesure qui est qu'on n'aura plus le droit de refuser une proposition de CDI si on est en CDD et qu'on nous propose de transformer ça en CDI. Donc pareil, il faut pas se retrouver coincé dans un CDD tout pourri, parce que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. C'est vrai qu'il y a quelque chose, je voudrais revenir à cette réduction là, indexée sur l'évolution du marché, qui moi m'a vraiment surprise. Je sais pas si ça existe déjà dans d'autres pays ou si ça avait déjà été évoqué, mais le fait d'utiliser finalement une allocation comme une variable aux aléas de l'économie et plus comme un pacte qu'on signe quand on bosse et qu'on cotise, il y a quelque chose qui moi me semble révéler vraiment d'une grosse modification du sens du travail et du soutien qu'il peut y avoir dans les moments où on n'en a pas. Ouais, alors pour répondre à la première partie, à chaque fois ils disent le gouvernement dit qu'il s'inspire de ce qui s'est fait au Canada, voilà, où il y a cette même modulation en fonction du contexte. Et oui, et puis on sent bien effectivement qu'il y a qui a, de toute façon, avec cette réforme là, c'est la troisième partie, quoi. C'est-à-dire que les trois étapes que j'ai décrites sont vraiment les trois étapes d'une même chose, quoi. Il y a une philosophie autour de l'assurance chômage qui a totalement été totalement changé et qui est effectivement de faire du chômage une variable d'ajustement maintenant, et puis de considérer que les personnes au chômage ont besoin d'être stimulées par l'aiguillon de la peur de perdre leurs droits et du spectre du RSA, vu que de fait ces trois réformes ont pour conséquence de faire monter les chiffres du RSA. Il y a une idée, voilà, que l'assurance chômage c'est plus un filet de sécurité comme avant, mais c'est un truc qui doit être le plus minime possible pour pousser les gens à vouloir retravailler le plus rapidement possible, ce qui je pense est une logique complètement scandaleuse d'une part, et puis un peu naïve et en tout cas débile d'autre part. Bah, avec aussi quelque chose qui, à mon avis, est un peu contextuel. On a vu depuis la pandémie et toutes les conséquences qu'il y a pu avoir sur l'arrêt du taf, etc., pas mal de modifications sur certains secteurs d'activité, et notamment pas les plus faciles. Je pense à la restauration, à pas mal de secteurs, même dans l'associatif, qui sont souvent sous-payés, qui sont des travaux difficiles, peu valorisés, des endroits où maintenant on a plus de mal à recruter. Et aussi une espèce de prise de conscience peut-être pour certaines personnes de pas forcément accepter toujours ça comme une espèce de fait dans leur vie, de vouloir changer, de se réorienter, etc. Et là c'est vrai qu'on a l'impression d'une obligation au principe du travail, quelles qu'en soient les conditions, alors qu'on parle de plus en plus justement de précarisation des conditions professionnelles ou de difficultés à continuer à garder un travail, de burn-out, etc. Donc l'impression d'un coup de poing sur la table pour dire il n'y a pas moyen, c'est pas parce que vous êtes rendu compte de quelque chose dans votre vie que vous allez pouvoir acter en fonction de ça. Oui, effectivement, il y a une façon avec cette réforme du chômage, et puis on va en parler après, mais aussi avec celle du RSA qui pointe son nez, de faire pression au maximum sur les personnes en précarité, que ce soit au chômage ou au RSA, pour les forcer à accepter un peu tout et n'importe quoi sous la contrainte et la menace de perdre leur allocation. Alors effectivement, là en plus ça fait suite, tu faisais référence à la restauration, etc., le bourrage de crâne dont on a été un peu les victimes là pendant tout l'été dernier, qui était de nous dire oh là là, il y a un nombre d'emplois non pourvus qui est en train d'exploser, et tout ça c'est parce que il y a ces feignasses de chômeurs et de chômeuses qui veulent pas travailler, qui sont pas prêts à revoir leurs exigences à la baisse, ce qui est là encore une façon de faire pression sur les gens, et qui est en réalité un énorme mensonge, hein, parce que si on regarde un peu les chiffres officiels du Pôle emploi, c'est-à-dire pas des chiffres qu'on invente, mais vraiment les chiffres qu'ils ont eux, ce chiffre d'emploi non pourvu, non seulement il augmente pas vraiment, mais en fait, si on se base sur une échelle de 10 ans, il a même beaucoup baissé, ce qui c'était... Je vais embêter un peu avec des chiffres comme ça, mais si on était à 460 000 emplois non pourvus en 2012, on n'est plus qu'à 373 000 en 2022, c'est-à-dire 87 000 et quelques en moins. C'est pas un chiffre du tout qui augmente, contrairement à ce qu'on lui dit. Et pourtant, on se sert de ce truc-là pour faire pression sur les chômeurs via l'opinion, qui du coup a une image qui est de plus en plus dégradée des personnes au chômage. Il y a des sondages qui sont un peu inquiétants de ce point de vue-là. Et puis, concrètement, via le porte-monnaie, en réduisant la durée d'indemnisation, ou pour les personnes au RSA, en leur rajoutant des contraintes pour essayer de les forcer à accepter n'importe quel boulot, quoi. La bataille des chiffres est toujours une espèce de manière de peindre sa réalité en fonction de l'endroit où on est. Et il y a un chiffre, par contre, que je crois qui n'est pas possible à remettre en question, c'est le chiffre 19, puisque tu l'as annoncé un petit peu. Il y a aussi une réforme du RSA en cours et une expérimentation qui est lancée par le ministère du Travail sur 19 territoires test, dont la métropole lyonnaise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'esprit de cette réforme, donc spécifique cette fois au revenu de solidarité active? Oui, alors ça c'est un vieux rêve de la droite libérale depuis les années 2000. En gros, c'est même antérieur au RSA, c'est-à-dire on se rappelle, je pense, pas mal de personnes de la fameuse expression de notre cher président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui parlait du cancer de la cistana. Et bon, le RSA avait déjà été une première, l'instauration du RSA donc par Sarkozy en 2009 était déjà une première façon de durcir un petit peu les obligations, enfin d'augmenter un peu le nombre d'obligations et les devoirs des personnes au RSA par rapport à ce que c'était à l'époque au RMI. Mais il y a toujours eu cette idée qui traîne depuis le milieu des années 2000 de dire non mais quand même donner un revenu comme le RSA aux gens sans leur demander une contrepartie de travail, etc. C'est pas acceptable et il faudrait leur demander de faire des travaux en plus, augmenter leurs obligations. Et tout ça a été relancé en mode bulldozer lors de la dernière élection présidentielle où en gros toute la droite dure de Dupont-Aignan à Macron en passant par Pécresse ont fait de cette idée d'imposer des heures de travail obligatoire aux personnes, aux RSA, des éléments phares de leur programme. Et donc oui, tout ça va être expérimenté dans 19 territoires avant d'être généralisé à l'ensemble de la France, a priori en 2024, d'après ce qu'on nous dit pour l'instant, même si ça n'arrête pas de changer toutes ces histoires. Bon, on fait partie. Alors, on n'a pas encore tous les détails de tout ça. C'est un peu la tendance comme avec le chômage. C'est-à-dire que maintenant, on nous annonce des choses et puis on nous annonce l'envie de faire une chose et puis le détail des choses, on l'apprend une fois que c'est trop tard pour se mobiliser contre parce que c'est déjà en place. Nous, du coup, on a décidé de prendre un peu d'avance là-dessus. Mais cette philosophie générale, en gros, c'est de d'augmenter la charge d'obligation, d'activité, d'insertion, que ça va augmenter l'accompagnement et l'encadrement des personnes en RSA dans la métropole. En gros, c'est demander une contrepartie, une activité en contrepartie de l'allocation avec un volume horaire qui a pas l'air d'être encore fixe vraiment pour le moment. Oui, alors on nous parlait de 15-20 heures, les macronistes nous parlent de 15-20 heures. À la métropole de Lyon, ils veulent plus évoquer de chiffres, parce qu'on les a interpellés sur ces questions-là, et dans leur réponse, ils évitent soigneusement cette question-là. Ils évitent soigneusement de répondre à ça. Il y aurait, oui, effectivement, cette idée d'une contrepartie. Alors, eux, évidemment, ils vont dire que c'est une façon d'améliorer l'accompagnement, de rénover l'accompagnement, etc. On sent bien, là encore, qu'il y a une façon d'une part, de faire de la chasse aux personnes qui soi-disant frauderaient, en leur mettant un coup de pression et en les accompagnant de façon beaucoup plus présente. Et puis de leur faire des stages, alors du stage non payé au travail bénévole déguisé, il y a qu'un pas. On verra quand on en saura un peu plus, mais l'idée, ça, oui. Donc du coup, vous avez trouvé une manière de réagir. Vous avez lancé, pas si longtemps là, une campagne à appel à envoi de lettres de protestation contre cette réforme qui a engendré tout un petit tas de réactions là, déjà tout fraîchement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette action que vous avez portée? Oui, donc en fait, la partie de la métropole de Lyon à cette expérimentation, on l'a appris fin décembre, hein, et puis c'était un peu une surprise pour tout le monde, parce que contrairement à d'autres départements, on l'avait pas trop vu venir, quoi. La métropole n'avait pas communiqué là-dessus. Nous, il y avait cette idée vraiment qu'il y avait deux lignes rouges qui étaient infranchissables, c'est-à-dire que vraiment conditionner le RSA à des heures obligatoires, c'était inacceptable. Et du coup, on a à la fois fait un communiqué et puis donc une campagne de protestation. Voilà, on proposait une lettre type aux gens à envoyer aux élus Europe Écologie Les Verts de la métropole. Qui est disponible en ligne sur Réunion, ça peut se retrouver tout ça. L'idée étant, parce que donc une des particularités de la métropole de Lyon, c'est qu'elle est censée être de gauche. En tout cas, s'il y a une alliance de gauche qui est au pouvoir là-bas, qui est une alliance de gauche qui s'est fait autour d'Europe Écologie Les Verts. L'idée c'était de leur mettre la pression en se disant que étant donné qu'ils sont censés être dans l'opposition, ils sont censés être membres de la NUPES, etc., les afficher publiquement comme des complices et des petits servants de la politique libérale de la droite macroniste, allait peut-être les mettre en mal à l'aise vis-à-vis de leur électorat. On a décidé d'appuyer assez fort là-dessus, ce qui a plutôt bien marché. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette campagne de protestation a plutôt été bien suivie par pas mal de gens. Ça a forcé en tout cas la métropole à réagir. Réagir en essayant du même coup de minimiser un peu l'affaire, en essayant de se démarquer un petit peu du discours macroniste, alors en sortant les rames là pour y arriver, mais du même coup a commencé à essayer de rassurer en disant non mais attention, on va pas faire de chantage à location, on va pas faire du travail obligatoire, on va essayer de faire ça sur mesure. Là, ils ont décidé que cette expérimentation concernerait que les zones de Givors et de Grigny, ce qui est, j'y vois aussi une façon de dire on va faire ça un peu loin du centre-ville de Lyon, un peu plus tranquille, à l'écart des regards et de l'agitation. Et là, en ce moment, du coup, on en est à l'étape à répondre à leurs réponses, voilà, parce qu'ils nous font un peu rire, à vrai dire, avec leur histoire d'abord de dénoncer une confusion entre ce que voudrait faire et ce que veut faire Macron, parce que c'est quand même eux qui se sont portés volontaires pour expérimenter la réforme de Macron. Donc voilà, ils sont un peu gonflés derrière de parler de confusion. Et puis ils nous font bien rire aussi avec leur histoire de « il n'y aura pas de chantage à la location », alors que le chantage à la location, il est déjà pratiqué tous les jours dans la métropole depuis des années, en gros depuis l'instauration du RSA. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps dans la permanence à voir des gens qu'on emmerde ou à qui on suspend l'URSA parce qu'elles ont loupé un rendez-vous, parce qu'elles n'ont pas répondu assez vite à un mail, parce qu'elles ne sont pas allées à une formation bidon, et qui du coup se font couper l'allocation derrière. Et voilà, moi, le chantage à l'allocation, il existe déjà, il ne va être qu'aggravé par cette réforme. C'est une chose qu'on a rappelé dans une récente réponse publique, voilà, où on se moque un peu du coup de la métropole qui veut pas faire de chantage à l'allocation. On m'a dit bah chiche, dans ce cas-là, instaurer un revenu de base inconditionnel dans la métropole. Pour l'instant, on n'a pas de réponse là-dessus. Oui, donc c'est ça, un communiqué qui est paru sur le site rebellion.info en début de semaine et qui effectivement nous parle d'une idée qui existe depuis longtemps, hein, pour pas mal d'économistes de gauche, de ce revenu de base inconditionnel. Et moi j'ai l'impression qu'il y a une idée qui a toujours été un petit peu mise de côté, bien entendu, par l'économie libérale, on comprend bien pourquoi, mais qui va aussi clairement à contresens d'un certain rapport à l'allocation en général, même puisque hier Elisabeth Borne a un petit peu détaillé son plan de la réforme des retraites et notamment bien annoncé une réforme sans hausse des cotisations patronales, ce qui a largement plu au MEDEF et aux Républicains, qui sont les seuls à soutenir la réforme qui va se jouer un petit peu là ces prochains temps. Moi j'ai l'impression que du coup à tout ce niveau là il y a aussi une modification un peu, je dirais pas des principes du contrat social, ça va faire un peu philo, mais en tout cas du contrat salarial en général qui est en train de se jouer ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, mais c'est la politique macroniste depuis le début, hein. C'est-à-dire que les économies et les efforts qu'on demande sont toujours du côté des plus pauvres et des plus faibles et pas du côté des plus riches. On sent bien que voilà, derrière ces histoires de réforme du chômage, il y a une volonté de faire des économies, hein, parce que le même rapport de l'UNEDIC dont je parlais tout à l'heure a abouti qu'il y a plusieurs milliards qui ont été économisés grâce à cette réforme. Avec le chômage, on sent bien qu'il y a aussi une volonté de cet ordre-là. Avec la réforme des retraites, il y a cette même idée. Et puis il y a quand même cette idée qui est mise en avant depuis le début quand même dans la politique de Macron. Alors c'est pas lui qui l'a lancé, hein, évidemment. Ça a toujours été la valeur centrale de la droite libérale française, et pas que française d'ailleurs, de la valeur travail. Voilà, mais Macron en avait fait son cheval de bataille dès 2017, défendre la valeur travail. Et là, clairement, il remet ça au centre. C'est-à-dire qu'il est, il faut travailler plus longtemps. Il faut travailler, accepter des travails moins bien payés, moins valorisants. Et toute personne qui ne travaille pas, c'est une personne au chômage ou RSA, est considérée comme quelqu'un de suspect. Quelqu'un dont la dignité, c'est un truc qui est quand même frappant. Hein. Le pire, c'est que cette réforme du RSA, tout comme celle du chômage, on ose nous dire que c'est pour préserver notre dignité. Voilà, on fait partie des personnes qui pensent que préserver notre dignité, ce serait nous laisser la possibilité de choisir, y compris de choisir de ne pas travailler et pas de nous imposer des choses qu'on n'a pas envie de faire ou de nous fliquer ou de nous soumettre en nous menaçant de nous couper tous les vivres. J'ai une dernière question pour toi. C'est effectivement, oui certes, bien sûr, tout ce type de réforme est en œuvre depuis pas mal d'années, 20, 30, 40 ans, en fonction de comment on voit les choses. La réforme des retraites, par exemple, a été effectivement un peu interrompue par l'épisode Covid. Mais là, c'est vrai que le paquet un petit peu qui se fait très coup sur coup, très rapidement, avec une méthode assez frontale, avec une manière notamment d'utiliser les 49.3 un petit peu en série pour accélérer de la réforme m'a fait me poser la question aussi de est-ce qu'on n'est pas en train justement de chercher l'économie de tout le budget qui est sorti notamment pour l'accompagnement des entreprises pendant le Covid et qu'on commencerait un petit peu une ère de libéralisation aussi un peu accélérée ou plus brutale mais peut-être que je mets trop d'importance là-dessus et qu'en fait c'est la droite ligne du monde d'avant. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? Bah, il y a effectivement une accélération. Hein. Je me rappelle il y a quelques mois en arrière, là, après sa réélection, la réélection de Macron, il y a eu un petit moment de flottement où tout d'un coup il se passait un peu rien là pendant l'été en juillet-août et où les journalistes commençaient un peu à demander aux gens en Renaissance, mais alors qu'est-ce qui se passe? Il a été élu, il fait rien. Et il y avait un des pontes de la Macronie qui avait déclaré non mais attendez là il se passe rien mais vous allez voir à l'automne et à l'hiver ça va être le tapis de bombe. Et cette expression, le tapis de bombe, lui appartient et je lui la laisse. Et là, clairement, effectivement, on est sous le tapis de bombe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a une nouvelle réforme horrible qui nous tombe sur la tête. Depuis hier, bon, c'est la réforme des retraites. Et il y a, je pense, une façon effectivement d'accélérer. Je pense qu'on est en train de vivre en France quelque chose qui est du l'ordre de ce qu'a connu l'Angleterre. La période Thatcher, c'est-à-dire tout d'un coup vraiment une destruction de plein d'acquis sociaux et une accélération de la libéralisation de la société. Et il y a aussi, je pense, une façon en enchaînant les réformes à une telle vitesse de d'épuiser l'opposition, c'est-à-dire qu'on le voit bien, même à notre modeste niveau à la brigade, on a à peine le temps de commencer à essayer de se mobiliser sur la réforme du chômage, que une semaine plus tard, on apprend l'histoire de la réforme du RSA, on a à peine le temps de commencer à essayer d'organiser des actions sur l'expérimentation du RSA, que pouf, il y a la réforme des retraites qui arrive, et puis on parle que de ça, mais dans le même temps, il y a la réforme sur l'immigration qui est passée, il y a une nouvelle loi sur les squats qui sont passées, etc. Et je pense qu'il y a une façon effectivement de faire un espèce de passage en force ultra brutal en assénant toute une série de lois et d'essayer de donner aux gens l'impression que là en fait c'est pas possible de résister, il y a trop de choses d'un coup, ça va trop vite. Il y a vraiment une tentative de passage en force, je pense. Assez d'une ampleur qui est pas nouvelle, mais d'une ampleur, j'ai l'impression, qui a quand même rarement été vue dans l'histoire récente. Eh ben merci à toi pour ces éclairages du coup du côté et national et métropolitain lyonnais. Je rappelle que du coup on peut suivre un petit peu vos communiqués, la suite de toutes ces histoires, des réactions de la métropole sur le site rebellion.info. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour expliquer ça aux auditeurs et auditrices de Dio à Saint-Té. Eh ben merci beaucoup pour l'invitation. Et chers auditeurs, auditrices, eh bien on se continuer un petit peu, aller un petit quart d'heure encore de musique tout de suite. Et on reste justement en région Auvergne-Rhône-Alpes avec les disques sortis en 2022. Sauvage, impénitent, Radio-Dio. Radio-Dio, 89.5 FM. Un petit peu en Auvergne à présent, puisque nous avons écouté la formation Super Parquet et sa vielle à roue électronisée en mode dance floor, un extrait de leur double album Couteau Haute Forme qui est sorti chez Airphono Publishing. Et ça s'est enchaîné avec un producteur de Clermont, cette fois Amadji, et sa basse musique, un EP 6 titres que j'avais pas mal joué par ici. Il s'intitule Void Versus et est sorti sur le label Flower Coast. On va à présent retraverser le Rhône dans toutes ses pérégrinations en Auvergne-Rhône-Alpes pour écouter le trio Ultramoule qui mélange une énergie punk avec du violon et sans guitare et une énergie rap old school. Trio largement revendicatif sur les thématiques féministes, comme vous allez l'entendre. Le disque s'intitule Le Retour. Il est sorti sous un sous-label de Jarring FX qui s'intitule Daaganda Records. Ultramoule tout de suite sur le 895 de Duo. Lâche-moi la verge, verge, verge, tu suce-moi le bout, le bout. Le bourrelet, croque-moi le cul, cul, cul, cul, petit cul là, cravache-moi la tac, la calvitie. Tout est sexy. Tripote-moi le bout, bout, bout, bout, le bouton. Titille-moi la nu, la nu, l'annulaire. Caresse-moi, caresse-moi le moignon. Tout est mignon. Chez toi, tout est mignon. Tout est mignon. ma bise me rend fada, ta cellulite m'enchante. J'adore tes cheveux gras, tes touffes de poils sont fascinantes, tes varices me laissent sans voix et ta transpi est enivrante. Tu es là! Des mes renois, mes bantous, faut céder. Tout pas enfumé comme au CB. Vu le bâton, on est gris aux épices de saté. C'est encore l'histoire d'un monde au destin scindé. Fuck un bico dans la chapelle, pas de paix. Tant que les poules n'ont pas leur dents. Maintenant, t'es dans le rétro de l'Opel. Spirituel comme un voyage à Lourdes. On se revoit dans 10 ou 17 lunes, vu que le cœur est à l'évasion. Les barreaux changent chez la même cellule. Pour chacun de mes vers, une ovation. Une fraise dans un monde de myrtille. Il règne un goût de misfit. Je te vois en ligne de mire, je tire les ombres au mur, c'est mystique. Le soleil, lui, pendant que la lune se dort au soleil. J'ai rompu les liens, y'a plus rien qui s'atterre, les salut. Le soleil, lui, pendant que la lune se dort au soleil. J'ai rompu les liens, y'a plus rien qui s'atterre, les salut. T'es mort dans le Nollywood. T'es mort dans le Nollywood. T'es mort dans le Nollywood. De noir vêtu, t'es une panthère, téléguidé, j'ai le culot Albert et de Newton. Bobby, s'il calait dans les vertèbres, je te le dis, t'es mort dans la pellicule à l'automne. Que ce soit clair, net et couché comme les tresses. Anip, c'est au seul milieu austère. Coco, gadget, au resto, tu t'es en vie sous le seuil. C'est pas mes oignons, tes salades. Pas de bon dispo pour se fausser. Mais si Dieu a écrit ça là, y'a aucune gomme sur terre qui pourra l'effacer. De façon, toute parole a ses conséquences, et silence aussi. C'est ça comme, j'aurais que ça, on le sait quand, laisse les soucis. T'es dans la sauce, ton sosie ressemble plus à toi que toi-même semble sosie. Le schéma est saisi, c'est réel mais c'est si initiatique. Donc en vrai ça nécessite de calibrer contre ce type de type. De calibrer contre ce type de type. De calibrer contre ce type de type. De calibrer contre ce type de type. Le soleil lui, pendant que la lune se dort au soleil. J'ai rompu les liens, y'a plus rien qui s'atterre, les salut. Le soleil lui, pendant que la lune se dort au soleil. J'ai rompu les liens, y'a plus rien qui s'atterre, les salut. T'es mort dans le Nollywood. Faut céder mes renois, mes banques, faut céder. T'es mort dans le Nollywood. Faut céder mes renois, mes banques, faut céder. T'es mort dans le Nollywood. Faut céder mes renois, mes banques, faut céder. T'es mort dans le Nollywood. Faut céder mes renois, mes banques, faut céder. Le producteur Paul Boutique et cet album Superette, sorti chez Gallant Records, une autre sous-division de Jarring Effect. Et là, on reconnaît quand même la patte du label, puisque ça a été enregistré comme beaucoup de disques par Céline Fraiza dans les Rumble In Studio à Lyon. Un album de hip-hop trap largement instrumental avec de très bonnes instrus. Un album un peu inégal, moi je trouve quand même. Il commence très très fort et ralentit un petit peu au fur à mesure, mais ce deuxième titre Nollywood avec le featuring de Eza Yusake fait partie quand même des petits moments de plaisir qui m'ont fait me dire que c'était le coup de cœur Ferrarock local que j'avais envie de vous diffuser. Ce sera la toute dernière ligne droite de ce magazine 2022 Pépites Locales. Et bien entendu, pour ne pas exciter le chauvinisme sympathique stéphanois, je vais pas finir quand même sur un disque de Quenelle. On finit avec le groupe qui a largement buzzé cette année. Je ne vous le présente même pas. Voici l'entourloupe avec un featuring de Las Niñas del Coro, donc de cet album La Clarté dans la Confusion, qui a rempli le fil il y a pas longtemps, qui buzz et qui tourne partout. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Dio. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. The way to be happy and to make others happy is to bring a liquor, bring a liquor, bring a liquor, yeah, yeah. Way to be happy and to make others happy is the way to be happy and to make others happy is the way to be happy and to make others happy is to bring a liquor, bring a liquor, bring a liquor. Yo, face to the gods, not know my team. I'm up in the clouds, cooking so por venir. It's a land our legacy. B.I.G. make the skills run the shit. Que me cabrón sugar si debo morir. Y hacerlo enfrente de los caballos de Marley. Se la vi, jugos con arma blanca. Y pelear contra jugones con ventaja. Todas las cosas que nos unen, otras tantas nos separan. Los problemas mejor dejarlos en casa. Yeah, click clack por el Dala Dala. Volviendo a dar a casa por un beso de la flaca. Piensa mientras le pisa entre nubes blancas. Esquivando radares o esculpiendo las trampas. Gestos de desafío en sus caras. Ya, no lo busques, solo espere a que llegara. Y si no juro por mi vida, no lo hago por nada. Y con el cuerpo frío, por la psique ya. Me 200 pa' arriba, vanidosa baby con mi Hurricane G. Con lo guapa que me he puesto yo pa' ti. Can I have your attention, please? Vivir pa' morir, morir sin sufrir. Pegarse fácil, entregarse lo difícil. Buscando el pan para sobrevivir. Amor precario como Aki Kaurimaki. Vi, you, te guide quemas en el cuello. Tus peleas ganadas son mis balas en el suelo. Monche, vi que pasó, amores de cemento. Dos anillos en un mismo dedo. Le sigo llorando a la gata, sigo regalando la puerta. Quieren que salga por patas, pero no quieren echar las cuentas desoladas. Sin un duro en la cartera, con las garras afiladas y un abanico en la guantera. Mis poetas en cunetas o en bibliotecas. Las cosas no crecen sin nada, nadie las alimenta. Si lo piensas, pierde la esencia. Si lo tientas, calla en la rienda. Te desafío en sus caras, ya. No lo busques, solo espere a que llegara. Si no juro por mi vida, no lo hago por nada. Con el cuerpo frío, pero la psique ya.